Bonjour, mon nom est Sébastien Brodeur et je vais vous faire une petite présentation sur l'analyse web. On va d'abord parler de l'évolution de l'analyse web, quand est-ce qu'elle a commencé, pourquoi l'analyse web est importante, je vais aussi donner quelques définitions, donner quelques KPI, expliquer le processus de l'analyse web, je vais vous montrer un peu quelques outils et à la fin, je vais avoir des liens et références vers d'autres sites. L'évolution de l'analyse web. En fait, l'analyse web a commencé d'un début avec l'analyse des hits. Donc, un hit, qu'est-ce que c'est? C'est une requête sur un serveur. Donc, les serveurs enregistraient dans un fichier de log les requêtes qu'ils recevaient. Donc, par exemple, une page qui comprenait deux images générait à ce moment-là trois hits sur le serveur. Donc, un pour la page elle-même et deux autres pour les images. Ensuite, on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Donc, on est allé vers les pages vues. Donc, on a regardé plutôt combien de pages vues on a eu, sans compter le nombre d'images ou tout ça. Donc, on ne regardait que les pages. Par la suite, il y a eu les visites et visiteurs. Donc, ce qui nous intéressait, c'est combien de visites on a eu et combien de visiteurs on a eu. Donc, on déterminait qu'une visite était quelqu'un qui naviguait sur le site et qui n'était pas inactif pendant une demi-heure. Donc, si je naviguais le site et je voyais 10 images à l'intérieur d'une demi-heure, et qu'ensuite une demi-heure a fait, j'avais rien fait, on considérait que c'était une visite qui avait eu 10 pages vues, et que j'étais un visiteur. Si le lendemain, je revenais sur le site, j'allais voir 5 pages, 5 nouvelles pages, à ce moment-là, j'étais considéré toujours comme si le site avait eu un seul visiteur unique, donc même si j'étais le même visiteur qui était revenu, mais j'avais fait 2 visites sur le site. Maintenant, on regarde aussi les conversions. Qu'est-ce qu'une conversion? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un site web a habituellement un but. Souvent, le but, ça va être de, par exemple, vendre un produit. Donc, une conversion, c'est est-ce que quelqu'un a acheté un produit sur notre site web? Pour calculer cette conversion-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un petit bout de code sur la page, par exemple, « Merci d'avoir fait affaire avec nous », pour indiquer qu'une conversion a eu lieu. Cette page-là, évidemment, ça va être à la fin du formulaire, une fois qu'on a confirmé la carte de crédit et tout ça, par exemple, de la personne, et l'achat a été fait. Donc, à ce moment-là, on sait qu'il y a une conversion qui a été faite et on le mesure. Maintenant, pourquoi est-ce que l'analyse web est importante? Premièrement, ça permet d'avoir l'air juste. Des fois, on s'imagine que notre site fonctionne très bien et on se rend compte que c'est pas le cas. Est-ce que les gens utilisent le site web de la manière qu'on l'a pensé? Est-ce que les chemins qu'ils prennent pour arriver à l'information, c'est celui auquel on avait pensé? Souvent, on va avoir des surprises, on va réaliser que les utilisateurs utilisent notre site d'une manière auquel on n'avait pas pensé. Et il y a possibilité d'optimiser à ce moment-là en sachant exactement qu'est-ce qu'ils font. Première raison. Deuxième, une des plus importantes aussi, c'est l'analyse approfondie des campagnes marketing. Par approfondie, ce que j'entends, c'est une analyse qui va être quantitative et qualitative. Par exemple, si je fais une campagne publicitaire, j'investis 1 million de dollars dans cette campagne web-là. J'investis, par exemple, 500 000 dollars sur le site A et un autre 500 000 dollars sur un site B. Et si on mesure que les visites, donc si je me rends compte que j'ai reçu 5000 visites du site A et 3500 visites du site B, on serait tenté de conclure que l'année prochaine, on va investir tout sur le site A. De toute façon, ça ramène beaucoup plus de visiteurs que le site B. Mais il faut aller plus loin. Des fois, il faut aussi regarder la conversion. Bon, oui, les gens sont venus, mais est-ce que c'est un trafic de qualité? Est-ce qu'ils ont acheté le produit ou non? Donc, en analysant les conversions, on pourrait se rendre compte, par exemple, que le site A, malgré qu'il a amené 5000 visiteurs, seulement 2000 ont converti. Et sur le site B, malgré qu'on a eu juste 3500 visiteurs, on a quand même déjà plus de personnes, 3000 qui ont converti. Donc, on dirait que le site B, il gagne. Hein? Il amène moins de visiteurs, mais c'est des visiteurs de plus grande qualité. On peut aller plus loin que ça, c'est disponible, les revenus générés par la campagne. Par exemple, si on réalise que les gens du site A ont acheté beaucoup plus ou pour un montant beaucoup plus élevé et que la campagne a rapporté 1,2 million versus ceux qui sont venus du site B et ont seulement rapporté 0,8 million, on va se rendre compte à ce moment-là que c'est vraiment le site A qui est le meilleur. Il faut faire attention, c'est pas toujours noir et blanc comme que je viens de le décrire. Souvent, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Par exemple, sur le site A, on se rend compte qu'on amène beaucoup de visiteurs, mais qu'ils ne restent pas. Donc, peut-être qu'on pourrait modifier notre page sur laquelle les gens arrivent une fois qu'ils ont cliqué sur la pub pour que les gens du site A convertissent mieux. On pourrait faire un autre exercice aussi sur le site B. On se rend compte que même si la publicité a été vue aussi souvent, il y a eu moins de monde qui ont cliqué. Donc, on pourrait peut-être modifier notre publicité sur le site B pour aller chercher plus de visiteurs. Donc, comme vous le voyez, il y a vraiment deux choses qu'on peut faire et c'est des trucs comme ça qu'il faut analyser. Maintenant, on va voir quelques définitions. Première définition, les Key Performance Indicators, les KPI. Les KPI, dans le fond, c'est des métriques qui sont importantes pour notre site. Par exemple, si on a un site qui fonctionne, le modèle d'affaires, c'est on a de la publicité sur notre site et quand les gens voient les publicités, ça nous rapporte de l'argent. Une des métriques qui serait importante pour dans notre cas, ce serait le nombre de visites. Donc, plus on arrête de visites, plus on arrête de page vue, et mieux ça serait. Donc, ça, c'est une métrique qui serait très intéressante, qui devienne de plus en plus haute. Le contraire pourrait être vrai aussi. Si, par exemple, mon site, c'est pour offrir du support technique à mes utilisateurs, mais si mes utilisateurs reviennent souvent, c'est mauvais signe, c'est-à-dire qu'ils trouvent pas l'information ou la navigation du site est à revoir. Donc, une même métrique peut avoir quelque chose de positif si c'est en augmentation ou en diminution. Donc, c'est des métriques qu'on va déterminer au début de l'analyse web. Maintenant, les funnels. Les funnels, c'est des entonnoirs. C'est ce qu'on regarde pour analyser les conversion rates et voir qu'est-ce qui se passe sur notre site. Par exemple, dans ce cas-là ici, j'essaie de voir les gens qui voient ma page qui offre les services, qui décrit mes services, et ensuite vont voir la page contact pour me contacter. Donc, mon objectif, c'est que les gens passent de la page service à la page contact. Dans ce cas-là, c'est un mauvais exemple, mais ce qu'on voit, c'est que bon, sur 135 visiteurs qui ont vu la page service, aucun est allé jusqu'à la page contact. Mais le tunnel, le funnel, nous permet de voir d'où les gens arrivent sur la page service et où ils s'en vont par la suite. Je pourrais savoir, par exemple, qu'à ce moment-là, je sais, par exemple, qu'il y a 0% des gens qui sont allés voir la page contact. Ça pourrait être un indicateur. Il faudrait peut-être que je retravaille ma page pour mettre plus en évidence la page contact, par exemple. C'est un autre exemple d'analyse qu'on peut faire. Maintenant, si on revient aux prochaines définitions, on a parlé de conversion, conversion rate. Je le répète, c'est très important. Ça nous permet, dans le cas d'un e-commerce, de voir ce que les gens font, ce qu'on attend d'eux, est-ce qu'ils achètent. Dans le cas d'un truc de support technique, par exemple, est-ce que les gens trouvent l'information qu'ils cherchent pour répondre à leurs besoins. Donc, chaque site, un peu comme les KPI, va avoir des conversions qui ne seront pas les mêmes, mais chaque site devrait avoir des conversions, des objectifs qu'on veut mesurer. Ensuite, il y a la segmentation. C'est bien beau de connaître, par exemple, le taux de conversion, mais des fois, de le segmenter par utilisateur ou par certains paramètres, ça peut être intéressant. C'est là que la segmentation rentre en jeu. Par exemple, je pourrais segmenter les gens qui viennent de Google, comment ils convertissent, versus les gens qui viennent de Yahoo, par exemple. On pourrait segmenter aussi par mots-clés. Quels mots-clés les gens ont utilisé pour tomber sur notre site? On pourrait se rendre compte à ce moment-là qu'il y a des mots-clés qui convertissent mieux que d'autres. Et on pourrait peut-être commencer à mettre l'emphase sur ceux-là dans nos publicités ou en tout cas voir qu'est-ce qui fonctionne dans ces mots-clés-là versus ce qu'on s'était attendu, par exemple. Référeur, ben, comme je le disais, on peut savoir d'où proviennent les visites. Le référeur, dans le fond, c'est la dernière page. Une fois qu'une page est visitée, on connaît la page d'où elle provient habituellement. Il y a moyen de bloquer ça, mais habituellement, on peut avoir de l'information. Donc, on peut savoir si la personne vient de Google, de Yahoo, elle vient d'une autre page de notre site, est-ce qu'elle vient d'un autre site. On va connaître la dernière page sur laquelle ils étaient avant de cliquer sur le lien qui les a amenés sur notre page, dans le fond. C'est ça le référeur. Maintenant, la landing page, c'est, on parlait de visite tantôt, c'est la première page d'une visite. Donc, ça peut être notre page d'accueil ou ça peut être une autre page. Il y a des fortes chances, par exemple, que Google amène sur une page spécifique sur notre site. Et donc, à ce moment-là, ce serait cette page-là qui serait la landing page. Habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'en marketing, on va essayer d'optimiser ces pages-là pour... par exemple, si on achète des publicités sur souliers verts, donc je vends des souliers verts, ben quand les gens vont cliquer sur la publicité, sur la page sur laquelle ils devraient arriver après avoir fait une recherche, par exemple, sur souliers verts, ce serait une page où est-ce qu'on vend ou qu'on donne l'information sur des souliers verts. Si on ramène les gens tout le temps sur la page d'accueil, le problème, c'est que les gens s'attendent à avoir des souliers verts et peut-être qu'il y a des souliers verts dans cette page-là, mais il y a aussi des manteaux, il y a aussi un paquet d'affaires. Donc, il y a des chances qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent et que les gens cliquent ailleurs carrément ou refassent back et recommence une recherche. Donc, c'est très important. Si les gens font une recherche, si on fait des publicités avec des mots-clés, assez d'avoir une landing page qui contient ces mots-clés-là, de préférence dans le titre de la page pour vraiment là, donner l'information pour que les gens aient le sentiment d'avoir trouvé ce qu'ils cherchent et commencer à explorer un peu plus la page. Il y a environ une minute, je parlais de KPI, donc on va voir quelques exemples de KPI. C'est très simple. Un exemple de KPI, c'est le nombre de pages vues, le nombre de visites, le nombre de visiteurs uniques, le nombre de pages vues par visite, le bounce rate. Le bounce rate, c'est le taux des gens qui arrivent sur une page et quittent le site ensuite. Donc, les gens sont arrivés sur une page, ne trouvent pas l'information et quittent tout de suite. Donc, on peut vouloir, ça peut être une indication qu'il faut optimiser cette page-là. Donc, on va calculer le bounce rate des pages, puis ceux qui ont le plus gros bounce rate, on va regarder pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour que les gens restent sur le site et continuent la navigation. Et évidemment, il y a encore les éternels conversion rate et abandonment rate. Autrement dit, dans un funnel, est-ce que la page B, c'est quoi le taux d'abandon pour voir, exemple, est-ce que c'est la page A, B ou C qu'il faut travailler le plus pour augmenter le nombre de conversions. Donc, si par exemple, on se rend compte qu'on a un formulaire et qu'on demande une information sur, par exemple, un courriel et qu'on se rend compte qu'à cette page-là, les gens quittent, on peut même savoir que les outils plus poussés, à quel champ ils étaient rendus avant de quitter. Mais à ce moment-là, on pourrait se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin du email pour faire la transaction? Si c'est le cas, je n'ai pas le choix de le garder. Je vais peut-être faire, par exemple, racheter un commentaire comme quoi on a une politique de confidentialité et tout ça. Et si je n'ai pas de besoin tant que ça, mais on va l'éliminer, puis il y a plus de gens qui vont passer au moins à la page suivante, ou en tout cas à la prochaine étape dans le formulaire, ce qui pourrait faire en sorte d'augmenter à ce moment-là notre taux de conversion. L'analyse web, c'est un processus. Donc, c'est un cycle qui est récursif, qui n'a pas de fin. On va mesurer, on va faire l'analyse, ensuite on va tester, on va implanter une solution qu'on a testée et qui se trouve être la bonne, et on va continuer de mesurer la même chose pour s'assurer là, qu'il n'y a pas de changement là-dedans. Un exemple, je veux voir si une image va mieux fonctionner qu'une autre image sur une page. À ce moment-là, je peux faire un A/B testing, donc c'est-à-dire qu'il y a une version de la page qui va avoir l'image originale et une deuxième page, la page B, qui va avoir la nouvelle image que je veux tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un A/B testing. Donc, 50% des gens vont voir la page A, 50% vont voir la page B. On va mesurer les conversions et tout ça. On va regarder ce qui est à mesurer, dans le fond, pour le succès. Et ensuite, on va analyser le tout. On va voir à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment l'image? Oui, on a fait nos tests. On implémente la nouvelle image partout sur le site et on vient de s'assurer, là, en modifiant un élément de la page, d'augmenter notre taux. Et on continue de mesurer. On peut commencer, on peut faire changer plusieurs choses comme ça, un après l'autre, pour essayer d'augmenter notre taux de conversion. Eric T. Peterson, dans un de ses webcasts, disait « This is web analytics, not web reporting ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ramasse des rapports, si on génère des rapports avec Google Analytics, si on se fait des beaux dashboards, on accumule un paquet de données qu'on présente, mais qu'on n'agit pas sur ces données-là, ça ne sert à rien. Il faut que les données qu'on recueille, on puisse agir dessus. Donc, ça prend des KPI qui vont vraiment être adapté à notre site, puis à nos besoins, puis à nos objectifs. Et c'est très important de le faire. Avinash Kaushik, c'est un gars qui a un blog sur l'analyse web qui est très populaire. Lui, il dit que pour chaque dollar qu'une entreprise investit dans une solution d'analyse web, l'entreprise devrait investir 9 dollars en analyse et tests et tout ça. Donc, si par exemple, ma solution d'analyse web me coûte 1 dollar par jour, par exemple, on devrait investir 9 $ en ressources pour faire l'analyse, faire des tests, implanter les nouvelles solutions. Donc, ça va prendre des gens, des développeurs, des gens en infographie, tout ça. Donc, il faut investir 9 $ pour chaque dollar qu'on a en analyse, en notre solution d'analyse web. Maintenant, je vais vous parler des outils qui sont disponibles pour faire l'analyse web. Je vous dis tout de suite, dans les 5 outils d'analyse web, je vous dis, il n'y en a pas un qui ressort plus qu'un autre. Ils ont chacun leurs forces, leurs faiblesses. C'est à vous de choisir, selon vos besoins, lequel qui est le meilleur. Mais probablement que, à part peut-être Google Analytics, les 4 derniers dont je vais vous parler, vous pouvez probablement pas faire un mauvais choix là-dedans. De toute façon, ça fait partie juste, ça vous juste vous donner des rapports. C'est justement le 1 $ qu'on parlait tantôt, c'est dans ces outils-là que vous allez les mettre. Il va, le plus important, c'est de faire l'analyse ensuite. Donc, ces outils-là vont juste vous faciliter la vie pour faire les analyses-là, selon vos besoins. Par exemple, Google Analytics, c'est un logiciel qui est très gratuit, limité par rapport aux autres outils dont je vais vous parler tantôt. Mais c'est gratuit. Donc, pour des petits sites comme le mien, qui a 200 visiteurs par mois, par exemple, Google Analytics fait amplement la job. Très efficace. Donc, pour installer Google Analytics, la part de ces outils-là, dans le fond, ils fonctionnent avec un petit tag. Donc, c'est une petite ligne de code qu'on met JavaScript sur nos pages et on collecte les données à ce moment-là par ce tag-là. Donc, Google Analytics, très bon. Vous avez une interface web ensuite qui permet d'aller voir les rapports, tout ça. Omniture Site Catalyst, c'est un probablement qui prend le plus d'ampleur dans le milieu ces temps-ci. C'est un outil qui est très puissant. Je l'ai vu à l'œuvre un peu, c'est intéressant. Et très intéressant. Core Metric, aussi très intéressant. J'ai travaillé un peu avec, je l'adore. Core Metric va surtout être utilisé pour les e-commerce quand vous avez beaucoup de produits en vente, des catalogues en ligne par exemple, des trucs comme Tiger Direct ou des trucs comme ça. Donc, vous avez beaucoup, c'est vraiment sa force, le e-commerce. Website Story, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Visual Science. Un autre outil qui est très fort aussi. Eux, surtout, c'est leur console pour visualiser les données, qui peuvent faire de l'agrégation de plusieurs autres sources de données, donc qui est intéressant aussi. WebTrend Marketing Lab, c'est probablement un des plus vieux outils de l'analyse web qui existe, dans les majors, je parle. Donc, WebTrend a commencé dans les années 90 avec l'analyse des logs et a commencé maintenant à se retourner vers l'analyse en utilisant des JavaScript. Encore une fois, je le répète, aucun outil est meilleur qu'un autre. C'est vraiment juste une question de goût et selon vos besoins. Maintenant, il y a d'autres outils qui existent. Par exemple, pour faire du A/B testing ou du multivariable testing, Crazy Egg, c'est un autre logiciel qui est gratuit. Il permet de faire du A/B testing sur certains éléments. Et très facile d'utilisation. Encore là, c'est un petit JavaScript que vous mettez sur vos pages. Crazy Egg, dans le fond, vous permet de générer des heatmaps à partir d'où est-ce que les gens ont cliqué. Donc, les zones qui vont être les plus cliquées vont sortir en rouge. Les moins cliquées vont être en bleu. Et ceux qui n'ont pas cliqué du tout, en noir, donc vous pouvez voir en regardant votre page où est-ce que les gens cliquent, ce qui est intéressant aussi là, pour une analyse. Offermatica offre un produit qui permet de faire du multivariable testing, par exemple, A/B testing, ce qui, pour que ça fonctionne, il faut absolument tester un élément à la fois. Donc, si on veut changer une image et un texte pour voir laquelle combinaison de ça qui va avoir le meilleur résultat, ben, il va falloir tester une fois avec l'image, l'autre fois que le texte, et une fois en modifiant, en interchangeant ces éléments-là, pour voir, donc ça demande 3-4 tests pour voir la meilleure solution. MFT, le multivariable testing, va vous permettre de faire ça d'un coup. Donc, c'est des algorithmes qu'ils utilisent, et Offermatica offre un produit qui fait justement ça. Google a encore sorti un autre outil, le Google Website Optimizer, qui est en bêta présentement, qui va faire un peu ce qu'Offermatica fait gratuitement encore. Je ne l'ai pas testé encore, mais ça a l'air assez intéressant. Alors, c'est ce qui conclut ma petite introduction à l'analyse web. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille fortement d'aller lire mon blog ou aller voir les multiples blogs qui existent sur le net là-dessus. Il y a aussi des Web Analytics Wednesday qui sont organisés une fois par mois à Montréal. Je ne pourrais pas vous dire la prochaine date, mais et des mercredis à Montréal où est-ce que les gens peuvent se rencontrer et discuter d'analyse web entre eux, donc les professionnels dans l'industrie. Donc, je vous laisse aussi une page avec des liens et références. Et merci, à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre des commentaires.